Bim bam bim, les petites poupées russes. Telle une poupée russe, elle cache des trésors, des vies emboîtées, des secrets qu'elle adore. Dans son ventre fertile, un monde se dessine, elle porte la vie en son sein cristallin. Les petites poupées russes, mystère enchanté, offrent à l'univers l'essence de la beauté. Les petites poupées russes, précieuses gardiennes, dans leur cœur de bois, les promesses anciennes. Sous ces couches délicates se révèle la force, chaque poupée en elle, un élan sans effort. Enveloppée d'amour, elle tisse des liens, femme créatrice, gardienne des anciens. Les petites poupées russes, mystère enchâssé, offrent à l'univers l'essence de la beauté. Les petites poupées russes, précieuses gardiennes, dans leur cœur de bois, les promesses anciennes. Chaque poupée s'ouvre, dévoilant un éclat, un nouveau chapitre, un chemin délicat. Elle est la matrice, le foyer de l'espoir, portant l'éternité dans le plus grand des soirs. Les petites poupées russes, mystère enchâssé, offrent à l'univers l'essence de la beauté. Les petites poupées russes, précieuses gardiennes, dans leur cœur de bois, les promesses anciennes. Au-delà des apparences, elle est la vie même. Chaque poupée en elle, un amour suprême. Elle donne et reçoit sans jamais faillir. Poupée russe éternelle, à jamais ravir. Wouhou ! Les petites poupées russes, mystère enchâssé, offrent à l'univers l'essence de la beauté. Les petites poupées russes, précieuses gardiennes, dans leur cœur de bois, les promesses anciennes. Dans chaque recoin de son être, un monde secret, des vies à découvrir, des chemins tracés. Femme universelle, source de lumière, poupée russe infinie, héritage millénaire. Les petites poupées russes, mystère enchâssé, offrent à l'univers l'essence de la beauté. Les petites poupées russes, précieuses gardiennes, dans leur cœur de bois, les promesses anciennes. À chaque poupée s'ouvre un destin à chérir, des âmes imbriquées, une danse sans finir. Elle porte en elle l'origine et l'avenir. Poupée russe aimée au-delà des soupirs. Les petites poupées russes, mystère enchâssé, offrent à l'univers l'essence de la beauté. Les petites poupées russes, précieuses gardiennes, dans leur cœur de bois, les promesses anciennes. Enfin, dans son regard, l'éclat de mille vies, des poupées en cascade, rendant l'avenir précis. Elle est le commencement et la fin. C'est l'infini, poupée russe sacrée,